Chapitre 61. Un hôte inconnu. Jusqu'à l'heure de mon départ, je n'avais pas entendu prononcer une seule fois le nom de mon hôte. Celui de son beau-père avait souvent été mentionné. C'était Signor Francesco Torreani, originaire de la Romagne, lequel était venu plusieurs années auparavant s'établir dans la République argentine, comme beaucoup d'autres de ses compatriotes, pour améliorer sa condition. Voilà à peu près tout ce que je savais. À vrai dire, grâce aux distractions de tout genre qui remplirent les heures de mon trop court séjour, je ne m'occupais que du présent, sans m'inquiéter du passé. Quel est l'homme qui, respirant à plein poumon la libre et vivifiante atmosphère des pampas, bondissant dans des plaines sans limite, sur le dos d'un cheval à demi-sauvage, daigne se souvenir des chétifs plaisirs et des insignifiants chagrins d'une civilisation corrompue? Il serait porté plutôt à les oublier complètement. Cette disposition d'esprit qui m'était particulière, mes nouveaux amis, les Torreani, semblaient l'éprouver comme moi. Je ne désirais pas connaître leur histoire passée. Quel intérêt aurait-il eu à me la communiquer? Oh, si l'idée ne leur en vint pas, et les quelques détails relatés plus haut ne me furent révélés que par les incidents de la conversation. Si je savais peu de choses en ce qui concernait les Torreani, j'en appris moins encore sur les antécédents de mon hôte, mon propre compatriote cependant. Comme je l'ai dit, j'étais arrêté sur le seuil et je lui adressais mes adieux sans avoir jamais su son nom. Cela peut paraître étrange et demander une explication. Elle sera facile. Dans les pays méridionaux de l'Europe, ainsi que chez leurs nationaux établis dans les Amériques espagnoles, le nom de famille de l'individu n'est presque jamais prononcé. On ne le désigne que sous son nom de baptême ou apellido. Cette habitude, il est vrai, ne pouvait atteindre mon hôte anglais qu'en raison de son entourage italien. Mais pour des raisons que je n'avais pas le droit de rechercher, je le trouvais singulièrement réservé, toutes les fois que le hasard amenait la conversation sur l'Angleterre. Et bien qu'il ne témoignât d'aucun préjugé contre son pays national, il ne semblait lui porter qu'un intérêt secondaire. Il évitait même d'en parler. Sur cette indifférence, j'avais échafaudé un système d'hypothèses. Je l'attribuais à des malheurs de jeunesse, peut-être à une exclusion sociale. Cette dernière conjecture me semblait toutefois un peu hasardée. Langage, manières, développement intellectuel et moral, tout, chez mon hôte, dénotait sinon une haute naissance, au moins l'éducation qui accompagne généralement celle-ci. Plus d'une fois dans la conversation, nous avions échangé les signes maçonniques des universités d'Eton et d'Oxford. Qui était-il? D'où venait-il? Ma curiosité était excitée au plus haut point. Mais par savoir-vivre, je n'avais pas cherché à la satisfaire, au moyen de questions directes auxquelles, d'ailleurs, on n'eût peut-être pas répondu. Ce doute néanmoins me tourmentait si bien qu'au dernier moment, je me résolus à l'éclaircir. « Vous me pardonnerez, dis-je, si après une hospitalité aussi gracieuse que peu méritée, je désire connaître le nom de mon hôte. Ce n'est pas par curiosité, veuillez le croire, mais simplement pour savoir à qui je dois désormais adresser le juste tribut de ma reconnaissance. Il est vrai, capitaine, me répondit-il en riant, que vous ignorez encore mon nom. Je me rappelle maintenant que vous ne m'avez jamais adressé la parole que sous l'appellation italienne de signor. Quelle singulière négligence! Vous gardez 3 jours sans vous dire mon nom? C'est fort drôle, n'est-ce pas? Et tout à fait en dehors des habitudes anglaises. Pour m'excuser, autant qu'il est en mon pouvoir, j'adopterai la mode de notre pays et vous offrirai ma carte. Je crois qu'il m'en reste encore quelques-unes dans un vieux portefeuille. Permettez-moi d'y aller voir. » Mon hôte entra dans la maison, nous laissant, sa charmante femme et moi, rire à notre aise de l'incident. Il revint bientôt avec le portefeuille en question. Il en tira plusieurs petits cartons glacés, jaunis par la vieillesse, en choisit un et me le présenta. N'osant par délicatesse lire l'inscription en sa présence, je me contentai de jeter négligemment les yeux sur la carte et, lui adressant un adieu final, j'avais déjà pris congé de sa femme, je montai à cheval et m'éloignai. La curiosité ne me permit pas de conserver longtemps l'impassibilité et la réserve de l'homme du monde. Tirant la carte de la poche où je l'avais introduite, je lus « Henry Harding ». Excellent nom anglais, pensais-je, et dont j'ai de bonnes raisons pour me souvenir. Cependant, il ne me vint aucunement à l'idée que le jeune étanciero des Pampas pût avoir la moindre relation de parenté avec les Harding de Beechwood Park, dans le comté de Bucks. Et sans autre réflexion, je plaçai la carte dans mon portefeuille et continuai mon voyage interrompu.